fatale. Mais la vie, tout le monde voudrait le soleil, nos pensées tournées vers le ciel. Mais la vie, les saisons passent, il faut apprendre avec elle à renaître de nos cendres. Le jour se lève, la vie avance, même quand tout s'éteint sur nos chagrins, il reste encore une braise, une flamme qui dort un peu de vent sur nos tourments. Et tout repart, tout s'allume sur un autre espoir. Moi aussi j'ai consumé des peines, attisé des blessures anciennes. Mais la vie, moi aussi je suis tombé de haut, au-dessous de l'ange, au fond de l'eau. Mais la vie, mais qui nous sauve, qui nous relève, et qui souffle les brûlures de nos fièvres, une étincelle dans le silence. Même quand tout s'éteint sous nos chagrins, il reste encore une braise, une flamme qui dort un peu de vent sur nos tourments. Et tout repart, tout s'allume sur un autre espoir. Le jour se lève, la vie avance, avec elle retrouvons l'éclat d'une espérance. Oh, avec elle, essayons de lui donner un sens. Une flamme qui dort un peu de vent sur nos tourments. Et tout repart, tout s'allume sur un autre espoir. Tout s'allume sur un autre espoir.